Valdulezard.com. Incognita. Installez-vous confortablement car on a, comme d'habitude, deux bonnes heures de musique, deux bonnes heures de rock progressif et on donne le coup d'envoi ce soir avec une formation néerlandaise, Leap D, un groupe qui a été formé en 2008 par des musiciens de formation néerlandaise comme Flamborough Head, King Eder et Nice Beaver. Ben, cette belle équipe en est rendue à son sixième album, qui a pour titre Tree House, on va en avoir un extrait. Après, ben, c'est l'Italie avec Rovecchio della Medaglia, le groupe qui est surtout connu pour son album Contamination, paru en 1973. Ici, c'est pour souligner le 50e anniversaire de la parution du premier, la BBA. Donc, le disque a été complètement réenregistré. Et puis après ça, Marc, je pense qu'on se dirige vers le Royaume-Uni. En effet, c'est l'artiste Jeff Proudley, qui est un multi-instrumentiste, qui vient de faire paraître son premier album Tales from Strange Travels. On aura la pièce Fuse et également du Royaume-Uni, on aura un second extrait du nouvel album de la formation Glacier. Et c'est l'album Island in the Sky. On aura la pièce Night Wind, mais on débute tout d'abord avec la nouveauté de Leap Day. Thank you. Those are echoes in my

soldiers of Meshech they are. After your soul, you are an island on an island all alone. Stuck on Krakatoa just before it's about to explode. You're in league with a spy here on this island in the sky. Island in the sky. Island in the sky. Miss Mama with a smile on her face as she found in the shovels, her hair full of snakes, in the rovers, biding your time. Oh, Saurus is singing in chorus, cause a Taurus is a full ballerine. This is true, but what can you do but let the little children sing? Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. You are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. Until the end, until the end, I will chill the Depuis 1984, l'opération Nez Rouge a accompagné des milliers de parties du temps des fêtes. DJ! Parties de famille, d'amis, de bureau, les parties qui finissent tôt, les parties qui ne finissent plus, on les a toutes faites. Puis en 2020, ben, il n'y en a pas eu de parties. Mais bonne nouvelle, cette année, l'opération Nez Rouge est de retour pour vos retours. DJ! Pour rentrer après avoir consommé, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Le rap québécois est partout. Surtout dans ta radio. Regarde-moi, j'ai l'air de quoi? Si je me regarde dans le miroir. Ici Rémi Giguère. Je vous donne rendez-vous chaque semaine dans La Dose Rap, une émission 100% rap keb. La Dose Rap. Fais-moi donc signe si tu passes dans le hood. En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good. La Dose Rap, le mardi 21h30 à CKRL. Voici le moment de renouveler votre carte de membre ou de poser un geste sensible pour votre radio favorite. Devenez membre de CKRL pour 25$ et stimulez l'élan créateur de nos passionnés et mordus de radio. CKRL offre en exclusivité à ses membres 52 tirages de prix culturels à chaque semaine dans l'émission Les Matins éphémères et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 418-640-2575, poste 201, ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, on va donner le coup d'envoi de la seconde partie de l'émission avec la formation norvégienne Cornemo, un disque instrumental que j'aime beaucoup, Fimbul Vinter, un groupe qui a été formé par des musiciens de Morill et de Adventure. Et puis on aura aussi d'Italie, ben là ça c'est les pionniers de la scène musicale progressive italienne, PFM, encore bien actif, et un album double qui est paru, I Dream of Electric Sheep, ou en italien, c'est Ho Sognato Pecore Elettriche, donc un album double, mais finalement, c'est les versions italiennes ou les versions anglaises, selon le... Et nous, ben, on va écouter une version italienne. Et puis Marc, après, je pense qu'on s'en va du côté de la Norvège avec une formation que j'aime beaucoup. Oui, c'est la formation Imelegeme. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, c'est quand même une formation de la Norvège. Et tu en avais fait jouer un premier extrait au mois de juillet, alors de ce nouvel album paru cette année, donc Variola Vera. On aura la pièce Agafia et on aura également le groupe canadien The Gardening Club, un second extrait de leur nouvel album de Blue Door, qu'on avait présenté la semaine dernière. C'est le 11e album en carrière. La pièce Long Tail de Flight, et on débute avec une formation que j'aime aussi beaucoup, la formation norvégienne Cornemo. siamo un lancio di dadi nel cielo, insieme il vento li ha lasciati qua. Nell'universo la terra è il mistero, un paradiso senza un al di là. Il tempo sa la verità, noi scorre lento, lento insieme a noi, e come un gatto finge il sonno, aspetta che farai. E siamo in tanti qua giù, davvero il tempo scorre più veloce ormai. Io cerco sogni da salvare per rubare un po' di libertà. Chi non lo sa, chi non ne ha, che solo resterà. Forse non siamo siamo gli umani, esseri extraterreni, questo si scoprirà. Thank you.

there, I clambered up the creaking stair to the sepulcher wherein survived his deathless mind, a thing which thrived in the cool air in the frigid tomb. 'Twas death he fought in that Stygian gloom. Night after night I would visit there, regardless of the freezing air. A nameless fear within me grew, for his bloodless hands and cruelly few. For more than a nature's mind could bear, in his laboratory with its cool air. My host, the Wad, was not unkind, and he told me how the will, the mind, was stronger than organic life. His enemy death, and with death his strife. He raved then of outlandish schemes, of sorceress rites, unholy dreams, where the demons howl, dark planets roll through a universe both lifeless and cold. A blasphemy, he took the lead, as arcane rites became his creed. Vapors round his throne, what curious sentence from the cold. Bubbling vials were but scientific trials, or so he claimed, but then I knew, and thus the dread within me grew. Night after night I would visit there, regardless of the freezing air. Cold as death, it leached my will. I lost my mind in the morbid chill. But death must come to claim our soul. He had not seen the fatal flaw. It failed at last, that damned device, that machine which kept his room like ice. His tomb, his lair, must have cool air. This won't suffice. Bring ice, his tomb, his lair, must have cool air. This won't suffice. Bring ice, his tomb, his lair, must have cool air. This won't suffice. Must have cool air. I laughed as only the mad can do. And then I shrieked, for then I knew. He spoke the thing which confirmed my fears. I have been dead for 18 years. Yeah.

Eh bien, c'est déjà le temps de vous laisser. Ce soir, on a choisi un extrait d'un album d'une formation polonaise, Indukti, un album paru en 2004. Le groupe, probablement dissous, parce que le plus récent album, le deuxième, est de 2009. Petit détail anecdotique, un des musiciens de ce groupe polonais a étudié à l'Université McGill de Montréal et il a obtenu son diplôme en musique à McGill et il a aussi fait partie de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et puis, pour ce premier essai, qui a pour titre Suzar, je pense, qu'on peut le prononcer de même, S.U.S.A.R. Il y avait un invité spécial avec la personne de Marius Duda de Riverside. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants. Et puis, moi, fidèle, ou quasiment fidèle, parce que je l'oublie une fois de temps en temps, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Et je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.